J'ai la ligne des roches en mémoire, les plaines désertes, les crêtes sans neige sous un ciel immuable, la ligne des palais, le nombre d'or par défaut entre les colonnes. J'ai l'héritage de cruauté, le patriarcat fracassé, l'enseignement des oliviers. J'ai la patience des peintres, tous les trésors de nuances, toutes les voies lancées vers l'horizon, le vacarme frénétique des grands pèlerinages. Et puis, le silence désespéré de la misère, les façades patriciennes borgnes, les marchés monotones, la modernité morne. J'ai le centre de gravité des siècles pour modèle de sagesse, pour tentation de folie. Chaoté dans les bus, les trains, perdu dans les aérogares, de transit en transit, mon bagage défoncé, en proie aux petits malfrats, j'ai le voyage et ses risques. Que bouillonnent encore les nouvelles idées à la lumière pâle de la lune de janvier, l'autre, celle d'ici, moins éclatante, à peine aperçue au coin de ma rue. J'ai l'ouïe qui s'ouvre grand vers les musiques désaccordées et le rêve d'Orphée. Qu'importe, tout ce que je n'ai pas, n'ai plus, n'ai pas su garder. Vous, mes amours, mes amis et mon cher foyer. Et s'il faut plus d'une vie à la mémoire pour recueillir le don d'un génie caché, pour avoir enfin la chose entière et pas seulement les éclats d'extase, les fragments du vase brisé.